Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Marie-Claude Dion au microphone avec Valérie Levé pour revenir sur une actualité médicale chinoise qui a soulevé quelques émois et interrogations. Valérie, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de rien de moins que de l'utilisation de la technologie CRISPR sur des embryons humains et de la naissance des premiers bébés dont le génome a été modifié par la technologie CRISPR, donc qui permet d'intervenir dans un génome directement. Autrement dit, ce sont les premiers bébés génétiquement modifiés. Okay. Donc revenons le 26 novembre dernier quand la nouvelle est sortie. C'est le chercheur He Jiwan Kuai, un chercheur de l'Université des sciences et technologies de Shenzhen en Chine, qui annonce par une vidéo avoir modifié le gène CCR5 de deux embryons. Ces embryons ont été ensuite implantés dans le ventre de la maman et les deux petites jumelles, Lulu et Nana, sont nées. Et pourquoi avoir utilisé le gène CCR5? C'est parce qu'il y a dans ce gène une mutation qui confère une résistance au VIH. Donc, le chercheur a utilisé la technologie CRISPR pour reproduire la mutation dans le génome des jumelles. Et tout ça parce qu'il se trouve que le père des jumelles est séropositif. Et en fait, on pourrait croire que c'est pour protéger les jumelles d'une infection par le virus du sida via les spermatozoïdes, sauf que la fécondation a été faite in vitro et que dans ce cas, les spermatozoïdes sont lavés et exemptes de virus. Donc l'idée du chercheur, et il le dit lui-même d'ailleurs, n'est pas de protéger les fillettes d'une infection via les spermatozoïdes de leur père, mais de les protéger d'une infection ultérieure dans leur vie plus tard. Et c'est très questionnable parce que pour savoir si la méthode est efficace, il va falloir que les jumelles prennent le risque d'une relation non protégée avec un partenaire séropositif. Donc c'est questionnable. Effectivement. Et est-ce qu'il y a eu des réactions dans la communauté scientifique? Oui. Bien d'abord, l'université de Shenzhen elle-même dit ne pas être au courant des travaux de He Jiwan Kuai. Et les autorités chinoises, tout comme de nombreux chercheurs de par le monde ont dénoncé cette expérience par son manque d'éthique totale. Exactement. Et d'ailleurs, notamment parce que la transformation génétique est faite sur les embryons, donc les cellules sexuelles de ces jeunes filles, de ces petites filles ont été modifiées, donc c'est transmissible à la descendance, ce qui est complètement différent de ce qu'on peut faire par thérapie génique. Et on peut craindre ensuite que cette première ouvre la porte à d'autres expérimentations. Mm-hmm. Lui l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et bien sûr, à la porte la communication scientifique, la communauté scientifique s'est prononcée pour baliser l'utilisation de la technologie CRISPR chez les humains. En fait, il y a eu toute une série d'articles dans les derniers jours. C'est encore une affaire à suivre. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Valérie. Et après cette actualité brûlante, on va retourner dans le passé, dans la correspondance que le frère Marie-Victorin a entretenue avec Marcel Gauvreau.